ma lèpre. And it's bigger than your life, but it's only what you're here. Je dors plus, tellement j'ai de factures impayées. La vie je l'ai déguisée en rouge, passionné par l'enfer, tellement de diables m'a crié. Je veux pas couler mais briller, toujours le même slogan, problème de billets verts, en face fumé. Car j'ai grandi trop vite, à peine Tipeee, j'emprunte le périphérique. 50 cm cubes, par la nuit j'ai vidé les chéris. Passionné par la vie des VZ, c'était l'animation, l'époque des petits garçons. De l'innocence d'une société qui nous prend pour le mouton, veulent nous traire. Sur l'ensemble du peuple, combien seraient brisés les pertes, exonérés de leur remplir les poches. Pour me demander si mon destin ne serait pas en toc. Pourtant la vie je croque mais elle n'a aucun goût. Née d'une mère violée dès sa jeunesse, qui pour noyer chacun de ce crime se noya. Pendant 30 piges j'ai son ennemi la bouteille. Parmi tout ça j'ai pas trop dérivé. Et aujourd'hui j'en ai fait une lettre, plus que motivé, motivé. Malgré tout ça je me suis relevé. La vie je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je pars pour les épreuves, je chute mais je baisse pas la tête. Non, jamais je baisserai la tête, ouais. Continuerai à me battre, rien ne va lâcher mes rêves. À pousser les efforts et à noyer tous ces malaises. Sans inspiration pour une vie cruelle. Voici ma lettre, j'écris ma lettre. En tout conscience de ce que je dis, ce que je vis. La conversion d'une âme partie à la dérive, un bout de mon histoire avec du rire des larmes. Parfois cette envie de partir au bout du rouleau, sur ma veine une lame. Sans m'attendre, parfois je rêve d'une arme. Je me suis relevé toujours plus fort qu'hier. Et à atteindre l'objectif que je toucherai de plus en plus. Demain je reste sûr de moi, toujours sur mes gardes, je battrai l'épreuve. Car la fierté de mes proches ébahit mon sourire. Son paysage me rend compte que le temps passe vite. J'ai pris de l'âge quand je vois les rides sur son joli visage. Ma lettre s'adresse à ceux qui ont perdu l'espoir. Sans sa petite victoire, mais ma lettre restera mon histoire. C'est mon combat, je m'en suis sorti, c'est pas fini. C'est juste le trait de ces distincts années communes avec la vie. Je me battrai toujours, même si le pire reste à venir. J'éviterai la mort, même si je sais qu'un de ces jours je vais la conquérir, ouais. Malgré tout ça, je me suis relevé. La vie, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je parcours les épreuves, je chute, mais je baisse pas la tête. Non, jamais je baisserai la tête, ouais. Je continuerai à me battre, rien ne va lâcher mes rêves. À pousser les efforts et à noyer tous ces malaises. Sans inspiration pour une vie cruelle. Voici ma lettre. Tu sais, on m'a toujours appris dans la vie que ce qui faisait un homme, c'est pas le nombre de chutes que tu auras, mais combien de fois tu peux te relever de ces chutes, donc de ces épreuves. J'ai un rêve, un but, et j'irai jusqu'au bout. Je laisserai jamais une personne m'auto-détruire. C'est ça. N-A-2-S Chi. C'est ma lettre. C'est ma lettre, c'est ma lettre, c'est ma lettre.